toi t'es là debout, sans cover, sans dignité. T'as crié la caisse dans le chat global. T'as couru sans froc, t'as glissé sur le moral. Viewer en PLS, ton loot est fiché. T'as sauté dans la zone sans savoir nager. Pas de plan, pas de backup, juste des rêves. La caisse t'a vu et t'a tiré en grève. T'es tombé comme un sac, rien d'épique. Ton pseudo flotte sur l'écran, tragique. La caisse volante de la honte. Tu l'as vu, tu l'as voulu, t'as pris ta compte. Ton stuff il a volé plus vite que toi. Et Ryder Skill il rit et ça va pas se voir. La caisse volante de la honte. Tu l'as voulu, t'as pris ta compte. Ton staff il a volé plus vite que toi. Et là, est-ce qu'elle rit et ça va pas se voir. T'avais dit, attends spot, mais t'as foncé tête baissée comme un bot. T'as pris une flèche de headshot, ton body flotte maintenant comme une crotte. Pendant que je loot, tranquille sur la falaise, t'es qu'un spectacle, une pauvre fadaise. La caisse, je l'ai avec ta fierté, je te laisse la kill cam pour pleurer. La caisse volante de la honte, tu fais le mort, moi je fais la monte. Tu dis bug, c'est juste ton skill, faut pas viser le ciel quand t'as pareil des skills. La caisse volante. Et ça va pas se voir. T'as vu la lumière, mais c'était un piège, une lanterne pour nous. La caisse volante de la honte. Rage, rage.